Ombre et lumière. Dans l'ombre, deux âmes liées, leurs mains enchaînées, vérité dévoilée, un aveu, plus de retour en arrière, leur monde change, rien n'est clair. Confession, perception altérée, la réalité à jamais transformée, dans ce jeu, plus de simulation, ils avancent sans illusion. Les lunettes flottent, symbole de vision. Un regard neuf, une nouvelle mission. Leurs pas résonnent dans la nuit, cherchant la lumière, loin de l'ennui. Confession, perception altérée. La réalité à jamais transformée. Dans ce jeu, plus de simulation, ils avancent sans illusion. Les chaînes brisées, mais les marques restent. Un chemin tracé, un destin manifeste. Leurs cœurs battent à l'unisson. Dans cette quête, une seule raison. Perception altérée, la réalité à jamais transformée. Dans ce jeu, plus de simulation, ils avancent sans illusion. Le bleu profond, couleur de l'âme, un océan de secrets, une flamme. Ils naviguent entre les vagues de doute, cherchant la vérité, coûte que coûte. Confession, perception altérée, la réalité à jamais transformée. Dans ce jeu de simulation, ils avancent sans illusion. Leur histoire, gravée dans le temps, un récit de courage, de moments intenses, ils affrontent les ombres du passé. Pour un futur enfin libéré. Confession, perception atterrée, la réalité à jamais transformée. Dans ce jeu, plus de simulation, ils avancent sans illusion. Le dernier pas, la dernière épreuve, un saut dans l'inconnu. Sans trêve, ils embrassent leur nouvelle réalité, unis pour l'éternité. Confession, perception altérée, la réalité à jamais transformée. Dans ce jeu, plus de simulation, ils avancent sans illusion.